can pray today because of food. Leute, because of to have money for one thing or the other. Leute fasten und beten, um Geld für Essen und Dinge zu bekommen. Il y a des gens qui sont en train de faire des jeûnes de prière pour obtenir de l'argent ou bien oui, autre chose. Elijah did not need to fast and pray. Elie musste dafür nicht beten. Elie, par contre, il ne devrait même pas faire des jeûnes de prière pour oui, avoir de la nourriture. Even when the brook was getting dry, it was not dry. Did you know he did not fast? The Lord did not say you must fast and pray. Oh. And beg and get. You know, he knows, he already know what you are in need of. Aber der Bach vertraute. He is the great provider. Musste Elia nicht nochmal wieder fasten beten, um den nächsten Schritt zu wissen, was er morgen ist, sondern der Herr ist der große Versorger. Er weiß, wie es morgen aussieht. Et même quand il était dans les difficultés, il n'a même pas dû faire des jeûnes de prière parce que l'Éternel était la personne qui prenait soin de lui. Also in 1 Kings 18, if you look at it, when he called also fire from heaven. Amen. Elijah never make any sacrifice. Who were those making sacrifice? They are safe. Are those people? Damit das Feuer schneller kommt oder überhaupt kommt. Aber wer hat Feuer? Wer hat sich ritzen und schützen müssen und Opfer geben müssen, damit irgendwas passiert? Die Götzenanbeter, die mussten das tun, damit ihr Gott sie hört. Donc, Elie n'a même pas dû faire du sacrifice comme les autres personnes l'ont fait. Les autres, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait couler du sang, même pour que leur Dieu puisse les écouter ou bien les obéir. Mais Elie, lui, il était seulement sûr de sa relation avec l'Éternel, et c'est comme ça que le feu est tombé du ciel. Praise the Lord. Amen. Let us read a little bit of it, amen? Amen, so that we can get it better. From verse 21. Erste Könige. 1 Kings 18. 18, Vers 21. Or from verse 20 is okay. Amen. Praise the Lord. Are you there, please? So Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel. And Elijah came unto all the people and said, how long shall ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Then said Elijah unto the people, I only remain a prophet of the Lord. But Baal's prophets are 450 men. Let them therefore, verse 23, please. Let them therefore give us two bullocks, and let them choose one bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on the wood, and put on fire, and put no fire under, and I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under, and call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the God that answered by fire. Amen. Let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. Verse 25. And Elijah said unto the prophet of Baal, choose you one bullock for yourself, and dress it first. For ye are many, and all of the name, and call on the name of your gods. But put no fire under. And they took the bullock which was given unto them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made. And it came to pass, verse 27. And it came to pass at noon that Elijah mocked them. and said, cry aloud, for he is a God. Either he is talking or he is pursuing or he is in a journey or peradventure, he sleepeth and must be awake. And they cried aloud and called themselves. You can see their sacrifice. Is it your heart, amen. Mm-hmm. They started doing something. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. To move their God. We don't do anything to move our God. Mm-hmm. Don't put it to fasting and prayer. Don't fast and pray to move it. Ils ont commencé à faire des sacrifices. Ben nous, on n'a pas besoin de faire des sacrifices pour que notre Dieu nous attend. Amen. And they cried aloud and called themselves after their manner with knives and latchets till the blood gushed out upon them. And it came to pass when midday was past and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice that there was neither voice nor any to answer, nor any that regarded. And Elijah said unto all the people, come near unto me. And all the people came near unto him. And he replaced the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be your name. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For him, it was just all about the Lord. Amen. Amen. Verse 32. Pour Elie, il s'agissait toujours de l'Éternel. And with the stones, he built an altar in the name of the Lord. And he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. Verse 33. Amen. Amen. And he put the wood in order and cut the bullock in pieces and laid him on the wood and said, fill 4 barrels with water and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. And he said, do it the second time. And they did it the second time. And he said, do it the third time. And they did it a third time. Even fire, even water cannot stop the fire. Kein Wasser konnte das Feuer aufhalten. Praise the Lord. Hallelujah. On ne pouvait pas stopper ce feu. Amen. Amen. For example, maybe things are too wet. That is why the fire could not come down. Mm. Amen. Yeah. Weil die Sachen vielleicht in Wasser getränkt sind, kann das Feuer das nicht durchdringen, weil nicht runterkommen. Aber das war nicht der Fall. Il pouvait dire que c'est parce qu'il y avait il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas beaucoup de l'eau, c'est pour cela que le feu ne pouvait pas calmer, mais ce n'était pas le cas. Amen. Mm-hmm. Verse 35, and the water ran about the altar, and it filled the trench also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord, God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art the God of Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. And when it up, praise the Lord. Hallelujah. You can see somebody that know who he was. Der wusste, wer er ist. Dans cette histoire, on peut voir qu'il y avait que Élie était qu'une personne qui connaissait son identité. He never doubt. Er hat niemals gezweifelt. Et il n'a jamais douté. He was one with the Lord. Er war eins mit dem Herrn. Il était donc un avec l'Éternel. But upon all, the Bible says we are greater than he. Mais trotzdem sagt die Bibel, wir sind größer als er. Mais malgré tout, la Bible nous fait voir qu'on est plus grand que lui. Remember, this man never fasted. Et rappelez-vous que cet homme n'a jamais fait. Are you getting it? He never. For him, it was not even himself. It was about the Lord. Fasting is always about yourself. Donc tu vois que pour lui, il ne s'agissait jamais de lui-même, mais il s'agissait toujours de l'Éternel, parce que quand tu fais des jeûnes de prière, il s'agit toujours de toi-même. Amen. You can see it was the bad prophet that we are after sacrifice. Es waren die Propheten, not Elijah. Dem Opfer her war nicht Elia. Donc c'était les prophètes qui étaient toujours derrière des sacrifices, mais pas Élie. Amen. Amen. He did not need to fast. Il n'avait pas besoin de faire des jeûnes. And pray the prayer religious people pray today. Das Gebet beten, was religiöse beten. Ou bien de faire les prières comme les gens religieux. Amen. Amen. Again, there was nothing like I must first fast. Ich muss give me time to fast and pray. Zeit, zu fasten und zu beten. Il n'a jamais dit, donnez-moi le temps de faire des jeûnes de prière. He just knew who he was. Er wusste, wer er ist. Il connaissait qui il était. He knew who he worshipped. Er wusste, wen er anbetet. Like John 4, verse 22 said. John 4, quickly go there. John 4, 22. Look at what Jesus said here. Look at what Jesus said here. Please. Verse 22. You worship, you know not what. You don't know who you worship. Vous ne connaissez pas qui vous... We know what we worship. For salvation belongs to us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He wants you to know who you are. He wants you to know and believe you are a son. Du sollst wissen und glauben, dass du ein Sohn bist. Tu dois savoir et croire que tu es un fils. Stop your fasting and prayer. Hör auf mit deinem Fasten und Gebet. Arrête de faire tes jeûnes de prière. You are doing more good, you are doing more harm than good, please. Du machst die Sache nur schlimmer damit. Donc tu es en train de t'aggraver la situation. Fasting means hope. Fasten bedeutet Hoffnung. Quand tu fais les jeûnes de prière, tu es en train de l'espérer. It means you hope to have it. Du hoffst, Dinge zu erhalten. Tu as l'espoir, tu espères de l'avoir. Because you don't have it. Weil du sie nicht hast. Parce que tu n'as pas. Are you getting it? It means you hope to have it. Du hoffst, Dinge zu bekommen. Donc tu es en train d'espérer d'obtenir quelque chose. If you fast enough, then you will have it. Wenn du genug fastest, dann wirst du es bekommen. Donc si tu fais des longues jeûne de prière, tu vas posséder la chose que tu veux avoir. Amen. You don't hope to get what you already have. Aber wir hoffen nicht auf den, I don't know if somebody's getting it. Mm-hmm. Mais dans le royaume des cieux, on n'espère pas d'avoir, de posséder quelque chose qu'on a déjà. Amen. Like your Bible that you have with you now. You don't hope to have it because you already have it. Wie die Bibel oder das Handy, das du gerade in der Hand hältst. Du hoffst nicht darauf, es zu bekommen, sondern du hast es schon. La Bible que tu as dans ta main ou bien ton téléphone, je ne sais pas quoi. Toi, tu n'as pas, tu ne vas pas espérer de l'avoir. Amen. Amen. To hope means zu hoffen, you don't have it. Bedeutet, du hast es nicht. But you are going to have it. Aber du wirst es noch haben. Quand tu as l'espoir, ça signifie que tu ne l'as pas, mais tu l'auras. Praise the Lord. Hallelujah. Children do not need to fast and pray before their parents, you know, their father give them feeding bottle. Kinder müssen nicht fast zum Beten für ihre Eltern, ihnen was zu trinken und zu essen geben. Les enfants ne doivent pas faire un jeûne de prière pour avoir un biberon. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Let's go to Matthew 7. Matthew 7. Matthew 7 again. Matthew 7. Matthew 7, verse 11. Matthew 7, verse 11. Matthew 7, verse 11. Praise the Lord. Alleluia. We just talked about the natural people. Wir haben heute über die natürlichen Leute gesprochen. On a parlé des hommes naturels aujourd'hui. Because you will not wait until your little child that is 2 years old, 3 years old, 4 years old, fast and pray before you feed him with the feeding bottle. Du wirst nicht darauf warten, bis dein Kleinkind, 2 oder 3, over 1 year or 2, I don't know, bettelt, was zu essen zu bekommen, bevor du es fütterst. Quand tu as un bébé, là, tu ne vas pas attendre que l'enfant n'a pas besoin de faire des jeûnes de prière pendant 2 ans ou 3 ans pour avoir un bébé rond. Look at verse 11 of Matthew 7. Matthew 7, verse 11. It says, if you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him, that believe him, glauben, that trust him, vertrauen, amen, that seek him, and not seek things. Und nicht Dinge suchen. Il dit ici, il nous dit clairement que si donc vous, tout méchant que vous êtes là, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de plus votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le prient, ceux qui sont en train de le chercher. Amen. Amen. If you that is so evil know how to give what you call good gift to your child without that child fasting and begging, how much more cried Jesus. Amen. Wenn wenn Menschen, die so bösartig sind, wissen, was die ihren Kindern zu essen und zu trinken geben müssen, Gutes, wie viel mehr weiß der Herr, wie jetzt auf uns uns zu versorgen hat, auf uns Acht zu geben hat. Donc si nous les êtres humains, tous méchants que nous sommes là, quand on est capable de donner à nos enfants des bons cadeaux, à combien plus forte raison notre Père qui nous aime va nous donner quelque chose de bon. You did not ask him to come and die for you before he came here. Mm-hmm. You did not ask him. You did not fast and pray to ask him to come and die for you. Amen. He chose. Du hast ihn nicht darum gebeten, für dich zu sterben, auf diese Welt zu kommen. Du hast nicht dafür gefastet, damit er hier auf diese Welt kommt und für dich stirbt, sondern er hat sich dafür entschieden, das für dich zu tun. Et on sait bien, étant les fils de Dieu, on sait bien que la plus bonne chose qui nous est arrivée est que l'Éternel est venu ici sur terre pour mourir pour nous, pour se faire crucifier pour nous. Et nous, on n'a rien fait pour ça, on n'a même pas fait des jeûnes de prière. On n'a pas demandé de venir ici. Mais lui, il a fait ça pour nous. C'est lui-même qui a fait ça. C'était son choix. Praise the Lord. He came without you asking him to come. Er kam ohne to pay the price for you. Zu fragen, ob er den Preis für dich bezahlen darf. Il est venu payer ce prix sans qu'on puisse lui demander. Amen. Amen. He came to pay the price without your fasting and prayer. Er kam den Preis zu bezahlen. That alone should help you to know something. Ohne ein Fasten und Gebet. Il est venu payer ce prix sans que tu puisses faire des jeûnes de prière. Mm-hmm. Et ça, cela seulement, c'est suffisant pour toi de reconnaître que les jeûnes de prière, c'est vraiment bizarre cette histoire. Amen. Amen. He did not need your fasting and prayer before he died for you. Er brauchte nicht dein Fasten und Gebet, bevor er für dich gestorben ist. Il n'a pas eu besoin de ton jeûne de prière pour se faire crucifier pour toi. Salvation is the greatest miracle. Errettung ist das größte Wunder. Le salut est le plus grand miracle. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Fasting means you are seeing the problem. Fasten bedeutet, and not Christ. Dass du das Problem siehst und nicht Christus siehst. Quand tu fais des jeûnes de prière là, ça signifie que tu vois le problème et tu ne vois pas Christ. Amen. Again, fasting means hope. Bedeutet Hoffnung. Donc, les jeûnes de prière, ça signifie que tu es en train d'espérer, c'est l'espoir. Stop your fasting and prayer. Arrête de faire cette jeûne de prière. Seek the truth. Sucht nach der Wahrheit. Cherche la vérité. Be after the truth. Sei hinter der Wahrheit her. Sois derrière la vérité. What Christ called the truth. Was Christus die Wahrheit nennt. C'est que le Christ appelle la vérité. And not what different denominations call the truth. Und nicht, was verschiedene Denominationen Wahrheit nennen. Et pas ce que les différentes denominations appellent la vérité. Again, John 14:6 said, I alone is the truth. Johannes the truth are not a truth. There's no other truth outside me. Jesus sagt, ich bin die einzige Wahrheit. Außerhalb von mir gibt es keine andere Wahrheit. Jean 14, lui, il nous fait voir là que je suis. Il dit que je suis la vérité. Il dit pas que je suis une vérité. Je suis la vérité. We live by him. La seule vérité. Wir leben durch den, die Gerechten leben durch den Glauben. Et nous, on vit à travers lui, parce que il nous dit, la Bible nous dit que les justes vivent à travers la foi. Amen. We don't live by hoping. By hope. We live by faith. Joshua lived by faith and not by hope. Les justes vivent à travers la foi, pas à travers l'espoir. Amen. Faith is our kingdom and not hope. Stop hoping. Glauben ist unser Königreich und nicht Hoffnung. Donc la foi c'est notre royaume, c'est pas l'espoir qui est notre royaume. It is over with the period of hope. Es ist vorbei mit der Zeit des Hoffens. C'est fini avec le temps de l'espoir. Then you tell God come and do it. Damals hast du Gott gesagt, dass er Dinge tun soll. Parce que dans le période de l'espoir, c'est toi qui disais à l'Éternel de le faire, de faire quelque chose pour toi. But now he has done it. Aber jetzt hat er schon alles getan. Mais maintenant, il a déjà tout accompli. This period is the period of faith. Diese Zeit ist die Zeit des Glaubens. Et le période aujourd'hui, on se trouve, c'est le période de la foi. Amen. Believe his finished work, no matter what you see. Glaube an sein fertiges Werk, egal was du siehst. Crois à son œuvre accomplie, peu importe ce que tu vois. Amen. No matter what you see physically. Egal was du physisch siehst. Peu importe ce que tu vois physiquement. Quickly go to Hebrew 11, please. Hebrew 11. On va lire Hebrew 11. Time stop. I cannot wait. I can pull it. Praise the Lord. Hebrew 11. Hebrew 11. We quickly read. This is a faith. This is what is called faith chapter. Hier ist das Glaubenskapitel. Ici, on appelle ce chapitre, on l'appelle le chapitre de la foi. By faith, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. And not by hope. Nicht durch Hoffnung, durch Hoffnung, durch Hoffnung. Il dit à travers la foi, pas à travers l'espoir. Jennifer, can you help us to read verse 1, chat? Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Verset 11. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Amen. Amen. So now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit point. Amen. Faith is substance of things hoped for. You may not see it naturally, physically. You may not see it, but you have it. Are you getting it? Yeah. It's like Jesus said when he spoke to them, the disciple. He said, I'm going to come back. And Thomas said, until I see it. Are you getting it? Thomas refused to live by faith. Yeah. Are you getting it? Thomas hat sich geweigert, durch Glauben zu leben. Par exemple, Thomas, lui, il a refusé de vivre à travers la foi. Amen. Amen. You might not be seeing them natural or physically. Amen. Amen. But that does not mean you don't have it. Du siehst vielleicht kein Resultat physisch, aber es heißt nicht, dass du es schon hast. Et peut-être tu ne vois pas le résultat physiquement, mais ça signifie pas que tu ne l'as pas. Here he said, things hope for. Why hope for here? Amen. Hope for mean you might not be seeing it physically, but you have it. Das heißt, du siehst es vielleicht nicht physisch, aber es ist schon, du hast es schon. Quand il dit que oh, la foi est une chose, une substance des choses qu'on espère, ça signifie que une chose que tu espères parce que tu ne vois pas physiquement, mais ça signifie pas que tu n'as pas, tu ne possèdes pas. The hope here is not telling you are going to have it. Die Hoffnung hier, von der er spricht, ist nicht, dass du es haben wirst. L'espoir dès qu'il parle ici, c'est pas l'espoir que tu espères de l'avoir. The hope here is telling you, you cannot even see it. You might not even be seeing it with your five senses. You are not seeing it with your five senses. We will read further. You are seeing. Donc ici il me dit cet espoir il dit peut-être tu ne le vois pas avec tes cinq sens. Amen. Verse 2 please. Verse 2. Verset 2. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the words were framed by the word of God, so that things which are seen we are not made of things which do appear. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead, yet speaketh. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. Faith, you know, that the hope here is not telling you are going to have it. Are you getting it? In spite of you are not seeing it, you are believed. Yeah, here is just telling you, you are not, don't see that you are going to have it. See that you have it. It's not seeing it that you are going to have it. You are going to have it, you will never have it. That's not the kingdom of heaven. That is the kingdom of religion. Wenn du in der Hoffnung darauf lebst, dass du die Dinge haben wirst, dann ist das nicht das Königreich des Himmels, sondern das Königreich der Religion, sondern wir wissen schon, dass wir es schon haben, obwohl wir es nicht sehen können. Et si dans, tu continues à vivre dans, dans le système où tu dis que je suis en train d'espérer d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose parce que je ne l'ai pas, ça, là tu vis dans le royaume de la religion, comme dans les religieux, mais dans le royaume des cieux de Jésus-Christ, vu que son œuvre, il a déjà fait, il a déjà tout accompli, tu sais, même si tu ne le vois pas, tu sais que tu as déjà obtenu la chose, ou bien tu as tout ce que tu as besoin d'avoir. Verse 5, it says, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Praise the Lord. Halleluja. His testimony was he pleased God. Sein Zeugnis war, dass er Gott wohlgefällt. Enoch, par exemple, son témoignage, c'était toujours qu'il plaisait à l'Éternel. Your testimony is you have it. Dein Zeugnis ist, dass du es hast. Et ton témoignage est que tu es dans le tu possèdes. What is going to happen is not your business, but you have it. Was passiert, ist egal. I don't know if you understand it. Peu importe ce qui va se passer, c'est pas le problème, mais toi tu as déjà tout. Like his testimony here, he said he pleased God. But he said God translated him look at verse 5 again. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. His testimony was, I have it. Sein Zeugnis war, dass er schon hat. Donc, verset 5 nous fait voir que le témoignage d'Enoch était qu'il plaisait à l'Éternel. Donc, son témoignage était déjà qu'il a déjà tout à travers son His témoignage. Testimony was not, I'm going to have it. Sein Zeugnis war, dass ich es haben werde. Donc, son témoignage d'Enoch, par exemple, c'était pas que je vais plaire à l'Éternel. Non, je plais déjà à l'Éternel. Are you getting it? How you are going to have it is not your business. But all you need is just believing that you have it right now. Ist nicht deine Sache, sondern deine Sache ist zu glauben, dass du es schon hast. Et tout comme toi aujourd'hui, tu dois déjà croire que tu as déjà ce que ah oui, c'est que l'Éternel veut pour toi. Pas que tu vas l'avoir, mais tu l'as déjà. Peu importe, ça ne doit pas t'intéresser comment tu vas l'obtenir. The Bible is against us living by hope. Bibel ist dagegen, dass wir durch Hoffnung leben. Donc l'Éternel est vraiment la Bible est vraiment contre le fait que les enfants de Dieu ne doivent jamais croire qu'ils vont avoir quelque chose. If you are not saved, you can live by hope. Wenn du nicht errettet bist, kannst du durch Hoffnung leben. Si tu n'as pas le salut, là tu peux vivre à travers. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. I hope you understand it. Amen. Seek the truth. Suche nach der Wahrheit. Donc cherche la vérité. Stop seeking miracle. Hör auf, nach Wunder zu suchen. Arrête de chercher les miracles. No miracle can free you. Kein Wunder kann dich befreien. Aucun miracle peut te libérer. No miracle can free you permanently. Kein Wunder kann dich dauerhaft befreien. Il y a aucun miracle qui peut te libérer éternellement. Accept the truth. Außer der Wahrheit. Sauf la vérité. Jesus said, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Jesus sagt, du wirst die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird dich frei machen. Jesus nous dit que on va connaître la vérité et c'est cette vérité qui va nous affranchir. In Matthew 11, in Matthew 11, verse 20, the city where he did greater miracle repented not. In Matthäus 11 lesen wir, dass die Stadt, in der Jesus die größten Wunder vollbracht hat, eben nicht Buße getan hat. Et Jésus dit que la cité là où il a fait les plus grands miracles, cette cité là ne s'est pas répandue. Amen. The first church, for example. Die erste Gemeinde beispielsweise. La première église, par exemple. I mean the children of Israel. Die Kinder Israels. Donc les enfants d'Israël. It's a typical example of miracle. Mm-hmm. Ein typisches Beispiel von Wundern. C'est un exemple. Typiquement concernant les miracles. Amen. Amen. It's a typical example that miracle cannot free you permanently. Es ist ein typisches Beispiel dafür, dass Wunder dich nicht permanent retten können. À travers leur exemple, on peut voir que un miracle ne peut pas te sauver éternellement. Why am I talking about miracle? Wieso rede ich über Wunder? Et pourquoi je parle des miracles? People never fast until they are in need of miracle. Leute fasten nicht, erst wenn sie ein Wunder brauchen. Parce que les gens ne font jamais des jeûnes de prière. Ils font toujours des jeûnes de prière. Are you getting it? You see that something is pursuing them or they are pursuing something. Entweder suchen sie nach etwas oder etwas ist hinter ihnen her. Ils font des miracles pas toujours. Ils cherchent des miracles parce que il y a quelque chose qui est en train de leur chercher ou bien c'est eux qui sont en train de chercher quelque chose. What man and religion call miracle is what they are after. Was der Mensch und Religion Wunder nennt, das ist das, was sie suchen. Donc les chrétiens sont toujours derrière ce que l'être humain et la religion appellent miracle. Amen. Mm-hmm. Their fasting and prayer is always about seeking miracle. Die Fasten und Beten, da geht's immer darum, Wunder zu suchen. Donc quand ils sont en train de faire les jeûnes de prière, il s'agit toujours de chercher parce qu'ils sont en train de chercher des miracles. Because they believe they don't have something. Sie glauben, sie haben etwas nicht. Parce que eux, ils croient qu'ils ont rien. They believe they are in need of something. Sie glauben, dass sie etwas brauchen. Ils croient qu'ils sont en train de qu'ils ont besoin de quelque chose. Are you getting it? Mm-hmm. You know Philippians 4:4. Let's go to Philippians 4:4. Look at. On va lire Philippiens 4:4. Praise the Lord. Alléluia. Philippiens 4. Philippiens 4. He said from verse 4, please. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. Let your moderation be known unto all men that the Lord is at hand. Be careful for nothing. Verse 6. Be worried, don't be worried about anything. Are you getting it? Amen. Don't see what you don't have. See what you have. That is Christ Jesus. Ne vois jamais ce qui te manque. Vois seulement ce que tu as, ce que tu possèdes. Et ce que tu as, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Stop seeking breakthrough to solve any problem. Seek the Lord. Hört auf, noch einen Durchbruch zu suchen, sondern sucht den Herrn. Donc arrêtez de chercher une solution. Cherchez l'Éternel. Seek to know Him. Suche nach ihn zu kennen. Vous devez vouloir le connaître. Seek to be one with him. Suche danach eins mit ihm zu sein. Vous devrez vouloir d'être un avec lui. He said, be careful for nothing. Sorgt euch um nichts. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Amen. Praise the Lord. With thanksgiving and not with begging. Mit Danksagung und nicht mit Anflehen. Mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication avec les actions de grâce. Donc, on doit toujours être reconnaissant avec les actions de grâce, pas en supplication, oui. Are you getting it? They seek breakthrough. Sie suchen nach einem Durchbruch. Donc eux, ils veulent toujours avoir la victoire. Many problems to be solved. Das heißt, dass Probleme gelöst werden. Et leur victoire, c'est toujours quand les problèmes doivent être résolus. Amen. Amen. If you are truly saved. Wenn du wirklich errettet bist. Si tu es réellement né de nouveau. If you are truly saved. Wenn du wahrhaftig errettet bist. Si tu es vraiment né de nouveau. Any of your problems that you believe Christ have not solved, none of your so-called problems can be solved by prayer, fasting. If you are not truly saved. Keiner deiner sogenannten Probleme kann gelöst werden, wenn du nicht errettet bist. Ja, aucun de tes problèmes peut être résolu si tu n'es pas né de nouveau. Amen. If you are truly saved, wenn du wahrhaftig errettet bist, si tu es vraiment né de nouveau, you belong to the kingdom of heaven. Du gehörst zum Königreich des Himmels. Là, tu appartiens au royaume des cieux. It means Christ has solved all your problems. Das heißt, Christus hat alle deine Probleme schon gelöst. Et ça signifie que Jésus-Christ a déjà résolu tous tes problèmes. No fasting and prayer can solve your problems. Kein Fasten und Gebet kann deine Probleme lösen. Aucun jeûne de prière peut résoudre tes problèmes. Amen. Amen. Those things, those problems, you call your problems. Les problèmes, tu les problèmes nennst. Donc, les problèmes que tu es en train de appeler problèmes. No fasting and prayer can solve them because the Lord does not see them as problems. Amen. I don't know if somebody is getting it. Aucun jeûne de prière pour résoudre ce problème parce que l'Éternel ne voit même pas ton problème comme problème. He only sees one thing as problem. Weil der Herr sieht das auch nicht mal als Problem. Es gibt nur eine Sache, die er als Problem ansieht. Parce que devant l'Éternel Jésus-Christ, il n'y a que seulement un seul problème. Your relationship with him. Deine Beziehung mit ihm. C'est ta relation avec lui. All others, he does not see them. Alles andere sieht er nicht. Toute autre chose, ça l'intéresse pas. Are you getting it? Because until you are one with them, those things, they can never be fixed. Weil erst wenn du eins bist mit Christus, können all die Sachen gelöst sein. Parce que tu peux seulement être tes problèmes peuvent seulement tu peux avoir des solutions à tes problèmes seulement quand tu es un avec Jésus Christ. If you are one with him, those things are already fixed. Wenn du eins bist mit Christus, sind all diese Probleme schon gelöst. Car dès que tu es un avec le Christ, tous tes problèmes sont déjà, oui, ils sont finis. The Holy Ghost is not after you solving dissolving. He is after your relationship with Christ. Amen. Because that is the problem. That is the true problem. Amen. All others, they are so irrelevant. Amen. Der Heilige Geist ist nicht dahinter, diese Probleme zu lösen, sondern er ist dahinter, dass du deine Beziehung mit Christus hast, weil alles andere ist dann irrelevant. Le Saint-Esprit, pour lui, il est toujours derrière ta relation avec l'Éternel. Et il n'est pas son problème, parce que c'est le seul problème que l'être humain peut avoir. Parce que dès que tu as une bonne relation avec lui, donc son œuvre accomplie aussi, est aussi dans ta vie, donc tu n'as plus de problème. He wants his ways to be our ways. Er möchte, dass seine Wege unsere Wege sind. Il veut que son chemin puisse être notre chemin. He wants his thought to be our thought. Er will, dass seine Gedanken unsere Gedanken sind. Il veut que ses pensées puissent être nos pensées. Call what he call problem, and not what you call problem. Nenn das, was er Problem. I don't know if somebody is getting it. Nicht das, was du Problem nennst, Problem. Tu dois considérer ce que lui il appelle comme problème comme problème, pas ce que toi ou bien la religion titulaire comme problème. Problem is singular. Problem and not plural. Le problème est singulier, pas pluriel. La sin is singular and not plural. Singular, before Christ. Tout comme le péché, c'est singulier, pas pluriel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You better take your eyes away from those things. Nimm deine Augen wieder weg von diesen Dingen. Donc tu dois enlever tes yeux de ces choses. You know, we read Elijah a lot today. Wir haben heute viel von Elijah gelesen. On a vraiment beaucoup parlé de Elie. You know, when Elijah's focus was on the Lord, you can see what he was doing. Elijah's focus on everything, calling fire from everywhere. Konnten wir sehen, wie er sozusagen fast Feuer gebändigt hat, ne? Und einfach in Autorität gewandelt ist. Et on voit que quand Elie était en esprit, on voyait vraiment comment il était puissant, comment il pouvait commander le feu du ciel pour détruire tout en fait. Il connaissait son identité, il avait le pouvoir de l'Éternel. But when he took his focus away from the Lord and now see things as problem, are you getting it? Er weitete seinen Fokus weg vom Herrn. He started running. But because of just a letter, a note. Fing er an zu fliehen wegen einem Brief, wegen einem Drohbrief. Mais quand il a enlevé ses yeux de l'Éternel, il a commencé à fuir à cause d'un seul petit problème, à cause d'une petite lettre. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. What you call problem? Those things as problem, please. Was du Problem nennst, hör auf, die Sache als Problem anzusehen. C'est que toi tu vois, tu appelles problème, arrête de voir ces choses comme problème. Amen. It's only once you are not having you are not one with Christ that there's really a problem. That's all. Das ist wirklich ein wahrhaftiges Problem. Donc c'est seulement quand tu n'es pas un avec Jésus-Christ, c'est là que tu as un vrai problème. Oh well, let me say, when we one with Christ, we also mean one with God's children. Und the family eins of Christ. Christ. Mit eins mit den Kindern Gottes, der Familie von Christus. Et quand je dis un avec le Christ, je dis aussi un avec les enfants de Dieu, la famille du Christ. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Christ Jesus is the sacrificial lamb. Christus Jesus ist das Opferlamm. And not you. Und nicht du. Mm. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau sacrifié pour nous, c'est pas toi. None of your sacrifice is enough. Keiner deiner Opfergaben ist reicht. Aucun de tes sacrifices est suffisant. Christ's sacrifice is enough. Das Opfer, die Opfer, it's only his sacrifice that is enough. You don't need to add any sacrifice to it. Du musst da nichts hinzufügen. Le sacrifice du Christ mm-hmm. est suffisant. Tu n'as pas besoin d'ajouter autre sacrifice à la sienne. Amen. Mm-hmm. Stop adding any of your sacrifice. Mm-hmm. Hör auf, Opfergaben von dir hinzuzufügen. Donc arrête de ajouter tes propres sacrifices à celles de l'Éternel. Amen. Mm-hmm. You know, the people have different sacrifices that they make. Menschen haben unterschiedliche Opfergaben, die sie machen. L'être humain a beaucoup des sacrifices différents. Different type of fasting they want to make. Verschiedene Fasten, die sie machen. Différents types de jeûne, de prière. Amen. Mm-hmm. Oh, some, you know, the Catholic, you know them. You know, they will not marry. Die Katholiken, you know, they will not marry. Sie sagen, sie heiraten nicht und geben dann. They said they will not marry because of God. Das als Opfer und sagen, ich werde nicht heiraten für Gott. Les catholiques, par exemple, eux, ils disent, ils veulent pas se marier à cause de l'Éternel, c'est un sacrifice. Amen. Go to 1 Timothy 4, please. 1 Timotheus 4. And see what the Lord said concerning such things. Wir uns anschauen, was der Herr gegenüber diesen Dingen sagt. On va voir ce que l'Éternel dit. 1 Timothy 4, 1 Timotheus 4, from 1 to 4. 1 bis 4. Mm-hmm. Praise the Lord. 1 Timothy 4. It said, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Praise the Lord. Hallelujah. Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. You see there? Mm. Amen. Mm. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience sealed with a hot iron, forbidding to marry. You see there? Mm. And commanding to obtain from it. I hope you see there. Mm. Amen. Which God had created to be received with thanksgiving. To them which believe and know the truth. For every creature of God is good and nothing to be refused. Amen. If it be received with thanksgiving. Praise the Lord. Hallelujah. We are in the period of thanksgiving, please. I hope you understand here. Don't stop all the sacrifice for Christ's sake. Man hört auf mit den ganzen Opfergaben um Christus willen. On doit arrêter de faire des sacrifices pour l'Éternel. His sacrifice is enough. Sein Opfer reicht. Car son sacrifice est suffisant. People have different sacrifices that they want to make for the Lord. The Bible calls it the doctrine of the devil. Leute haben verschiedene Opfergaben, die sie für den Herrn machen, aber die Bibel sagt, es ist eine Lehre der Dämonen. Ja, il y a des gens qui veulent faire beaucoup de sacrifices pour l'Éternel. La Bible nous dit ici à verset 3 clairement que ce sont les doctrines du diable. If the Lord is against it, why should we embrace it? Wenn der Herr dagegen ist, weshalb sollten wir das dann verweigern? Et si l'Éternel est contre ces choses? Nicht verweigern, Entschuldigung. Pourquoi? Ich habe das falsch gesagt. Wenn der Herr dagegen ist, weshalb sind wir dann dafür? Si l'Éternel est contre ces choses-là, pourquoi nous sommes pour ces sacrifices? Praise the Lord. Amen. You know, there are different reasons why people, they don't want to eat meat, they don't want to, you know, they say they kill animal, they kill. What is that your business? He said, kill them. They are to be, are you, it's not human. He said, that shall not kill people. It's not talking about people. And not animal. He gave them to us as food. He gave all this food. Their sacrifice. Their different sacrifices. Let your heart be of Christ and not of forbidding. Stop making yourself to become a sacrifice for him. Allow his sacrifice to be enough. erlass zu, dass das Opfer von Christus Jesus genug ist und gebe keine Opfergaben in Form von Dingen, die du verbietest. Beispielsweise Menschen, die sagen, dass sie dann kein Fleisch essen. Aber der Herr hat gesagt, wir sollen Tiere, können wir nutzen, um sie zu essen. Wir sollen halt Menschen nicht töten oder essen, gegebenenfalls. Also es geht darum, dass wir alles halt in Danksagung machen. Und deswegen sollen wir nichts verbieten, damit wir daraus nicht eine Lehre und sogar eine Dämonenlehre dann schaffen. Et on doit faire attention parce que l'Éternel nous a jamais dit, il ne veut pas qu'on puisse faire des sacrifices, il veut seulement qu'on puisse, oui, l'obéir. Par exemple, il y a des gens qui veulent plus, ils veulent même pas tuer des animaux parce qu'ils disent pour faire un sacrifice à l'Éternel. Mais l'Éternel n'a jamais dit ça, il a dit que oui, on ne doit pas tuer les gens, mais les animaux, il nous a donné aussi pour se nourrir avec. Donc c'est pour cela qu'on doit vraiment faire attention qu'on ne puisse pas commencer à interdire les choses à cause avec un motif de sacrifice en fait. People pity animals. Leute haben Mitleid mit Tieren. Les gens ont vraiment pitié des animaux. It's against the Bible. Aber es ist unbiblisch. Et ça c'est contre la Bible. If the natural pity can be evil, that is evil. More evil. Are you getting it? If that of human that you pity people. Why do we pity people? It's for Christ's sake. Mm-hmm. The natural pity is evil. That's are you getting it? Mm-hmm. If the natural good is evil, then the natural pity is evil. Mm-hmm. How much more pitying animals? Mm-hmm. It's so evil. Wenn das fleischliche Mitleid, ne, das I'm just teaching what he gave me to teach. Wenn das fleischliche Mitleid evil ist und wir das nicht haben sollen gegenüber Menschen, gegenüber sogar unserer eigenen Familie, weltlichen Familie, geschweige denn, wie evil ist dann dieses Mitleid, das man gegenüber Tieren hat, ne, oder anderen Dingen hat, die anderen Dingen hat, zu denen du noch nicht mal so eine tiefe, innige Beziehung hast. Obwohl bei den anderen Sachen der Herr ganz klar sagt, hab kein Mitleid, wieso hast du dann, haben wir dann Mitleid für die Dinge, die dann sogar noch viel geringer darunter liegen, wie Tiere beispielsweise, im Vergleich zu deiner eigenen weltlichen Familie. Et par exemple, quand l'Éternel dit qu'on ne doit même pas avoir pitié de la chair, on ne doit pas avoir pitié pour la chair, et à plus forte raison, on ne doit pas avoir pitié pour les animaux, en fait. Et même dans nos familles naturelles, il est en train de nous interdire d'avoir pitié pour eux à cause de la chair. Mais les gens, aujourd'hui, veulent avoir pitié pour les animaux, en fait. Amen. Jesus never pity animals. Jesus hat Tiere nie bemitleidet. Jésus n'a jamais pitié des animaux. If you go to Mark 5, you see it. Zu Markus 5 gehst, wirst du was sehen. Si tu vois Mark 5, tu vas le voir. In that of Legion. The story of Legion. I still remember. In der Legion. Amen. The Legion. Do you know how many animals were killed just because of to save one person? Yeah. I don't know if you are getting it. Are you getting it? Yes. Even on the Mark 5, he's here. Look at it. If you go and read it. Amen. 2,000. He said there we are about 2,000 and we are shot in the sea. The animals that we are killed. Verse 12 of Mark 5. And all the devils besought him, saying, send us into this swine that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirits went out and entered into the swine, and the head ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000, and were shot in the sea. Jesus did not say, no, pity them, you know. Let us, the life of Christ, let us choose to believe it, please. Und bei der Situation mit den Legionen, der Herr hat halt einen Menschen gerettet und dafür tausende von Schweinen sozusagen, dafür geopfert sozusagen. Ja, er hat diesen Dämonen aus diesen Menschen herausgetrieben und in die Schweine sozusagen geleitet. Und diese Schweine haben sich alle die Klippe runtergestürzt. Und er hat nicht gesagt, die Schweine, nee, das geht nicht, ihr müsst leben. Sondern er hat gesagt, so ist es besser, denn ein Mensch ist mehr wert als das. Et par exemple, on voit à la Bible où il y a eu où Jésus-Christ il avait enlevé, chassé un démon dans un être humain, et ces démons sont partis dans des cochons, par exemple. Et ces cochons-là, il y avait des milliers de cochons qui sont partis, qui sont morts, qui sont partis, se sont jetés dans la mer. Et Jésus n'a pas eu pitié pour eux. Mais aujourd'hui, les gens vont dire, oh, les pauvres cochons, ils n'ont rien fait du mal. Mais Jésus-Christ, ça ne les intéressait pas. Lui, pour lui, l'essentiel était qu'une personne puisse être délivrée. Amen. Amen. If Jesus never pity, you know the Old Testament, he said, kill all of them. Even children. He killed them. You know, the pity of this world, we should be careful. It can take you away from Christ. Dieser Welt, wie auch beispielsweise im Alten Testament Jesus auch, also der Herr, befohlen hat, dass ganze Völker ausgerottet werden sollen, weil es um den Geist geht und nicht um das Fleisch. Es sollen sogar Babys ausgerottet werden, weil der Geist kann durch jegliches Fleisch gehen. L'Éternel Jésus-Christ, lui, n'a même pas pitié de la chair. Il a seulement, parce que lui, il voit toujours l'esprit derrière la personne. On peut même voir dans l'Ancien Testament, quand même, il disait même de tuer même des bébés. Aujourd'hui, les gens vont dire que oui, mais c'était un bébé, il n'a rien fait. Mais lui, il était derrière l'esprit. Ceci, c'était un mauvais esprit qui est derrière ces gens. Lui, il n'a pas pitié du mauvais esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Il ne considère jamais la chair. Amen. Amen. So we close with that, please. Amen. Amen. The time has really gone.